Porte la mort, l'épée en main, le drapeau au vent. En un éclair, tout baigne dans le sang. Toujours debout, l'espoir au cœur. Tu peux enfin connaître le bonheur. Oui, toi, chevalier des temps modernes, ton visage n'est pas lanterne, car cette vie que tu se détruit au fil du temps. Se détruit au fil du temps. Seul survivant de cette bataille, autour de toi les corps tressent des mailles. Tu t'agenouilles la tête dans tes mains pour honorer ton ange gardien. Dans les nuages, une femme te regarde, elle te sourit et te tend la main. Tu la suis sans conscience de ton sort. Regarde dans le sol, tu vois que tu es mort. Oui, toi, chevalier des temps passés, là où tu peux nous protéger. Tu punis la nuit et glorifies le jour pour qu'à jamais en bas règne l'amour. Pour qu'à jamais en bas règne l'amour. Chevalier des temps passés.